Yeah. Ce soir, vous faites partie de la légende. La closing du Real. Une fois dans votre vie. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le Real n'est pas mort. On continue au Montini toutes les semaines. Yeah!